الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشفر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc l'auteur du livre dit, رحمه الله تبارك وتعالى, Allah dit تبارك وتعالى est la preuve qu'il n'est pas permis de retarder les prières est générale et des fois spécifique. On peut le prouver de deux manières différentes. De manière générale, nous avons le verset coranique où Allah dit tabaraka wa ta'ala Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière, certes la prière, pour les croyants est prescrite à des temps déterminés. Donc c'est un dalil d'ordre général qui nous prouve que la prière ne doit pas être retardée sans excuse. Encore moins être avancée. Il y a aussi, dans certaines circonstances, la preuve qu'il est interdit de retarder la prière. Je ne me rappelle plus si j'en avais parlé le cours dernier. J'avais parlé de Salat al-Khawf, la prière de la peur. Allah dit, tabaraka wa ta'ala, « وَإِن كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ » Et lorsque tu te trouves parmi eux, et que tu les diriges dans la prière, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie. Pour comprendre ce verset coranique, il faut en comprendre le contexte. Ici, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala ordonne à son prophète de prier avec les croyants, c'est lorsqu'ils sont en situation de danger. Donc, même dans ce cas-là, Allah ne leur a pas permis de retarder la prière, mais ils vont faire ce qu'on appelle la prière de la peur. Salat al-Khawf. Autrement dit, sans rentrer dans les détails, on va y venir, Inch'Allah, lorsqu'on étudiera ce chapitre. L'imam va prier avec un premier groupe de croyants et les autres seront derrière à faire le guet. Puis, lorsque la première rak'at sera finie, le premier rang restera assis et le deuxième priera cette rak'at. Afin de pallier à d'éventuelles attaques spontanées de l'ennemi. Donc vous voyez que cette prière a été instituée de cette manière justement pour éviter que les croyants puissent la retarder à chaque fois qu'ils sont en situation de danger. De même, Allah dit tabaraka wa ta'ala, et ça c'est dans le combat maintenant, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَانًا أَوْ رُكْبَانًا. Et si vous avez peur lors du combat, un assaut de l'ennemi, alors priez soit en marchant, soit sur vos montures. Une solution qui aurait été simple, ça aurait été de retarder la prière et de prier plus tard. Mais Allah ne l'a pas permis. Il a préféré que ces gens-là, que ces croyants, fassent abstraction de certaines obligations de la prière et certains piliers afin de rester dans l'heure. Afin de rester dans l'heure de la prière. Tout ceci pour montrer l'importance de prier dans l'heure et de ne pas retarder la prière, surtout si on n'a pas d'excuse. Allah a légiféré et rendu obligatoire l'accomplissement de la prière, même dans ces situations extrêmes, au détriment de certaines obligations de la prière, afin de préserver l'heure et le temps de la prière. Ceci est aussi une preuve qu'il n'est pas permis de retarder la prière en dehors de son heure, mais il doit prier selon son cas et sa situation. Pour tous ceux qui prient chez eux à cause du travail et qui regroupent 5 prières le soir, il y a ijma', consensus des savants, que ceci est interdit. Ce n'est pas autorisé. Non. Ensuite, l'auteur du livre dit « Wal afdalu » Entre parenthèses, je vous avais expliqué la semaine dernière que ici, l'auteur du livre soulève un sujet qui est le fait de regrouper les prières. On en reparlera, Inch'Allah, car il en a dédié un chapitre. Donc, je ne parle pas de ça aujourd'hui, Inch'Allah. À la suite, il dit « وَالْأَفْضَلُ تَقْدِيمُ الصَّلَاتِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا » Le meilleur, ce qui est préférable, c'est de prier au début de l'heure. Maintenant que nous avons défini le début et la fin de chaque prière, alors nous pouvons dire que al-mustahabbu, ce qui est préférable, c'est de prier au début de l'heure. Non. Sauf, comme il le dit, sauf la isha, illa al-isha, idha lam yashukka, wa illa al-zuhra fi shiddati al-hawri. Sauf dans deux cas. La isha, si il ne trouve aucune difficulté à la retarder, il a pris à la fin de l'heure. À la fin de l'heure, c'est-à-dire avant nisf al-layl, avant la moitié de la nuit. Et qu'il ait au moins le temps de faire combien? Une rak'at. Très bien. Ou alors, le dhuhr, lorsqu'il fait très chaud, il est conseillé de retarder ce qu'on appelle al-ibrad. C'est-à-dire, on retarde le temps afin d'attendre que le temps se rafraîchisse un petit peu. Non. Il est conseillé dans ce cas-là de retarder le dhuhr, tout en prenant la précaution de ne pas rentrer dans l'asr. Quelle est la preuve de ceci? La preuve de ceci, sur le fait que la prière au début de l'heure est préférable, d'une manière générale, c'est le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, rapporté dans les deux sahih. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله بن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أي العمل أحب إلى الله أي العمل أحب إلى الله قال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها ثم قال ثم أي قال بر الوالدين ثم قال الجهاد في سبيل الله. Un hadith authentique. Abdullah ibn Mas'ud a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: Ya Rasulallah, quel est l'acte le plus aimé auprès d'Allah? Et le prophète de lui répondre: la prière ala waqtiha. C'est-à-dire ici, comment il faut le comprendre, la prière au début de son heure. Il a dit ensuite, il a dit le bon comportement envers les deux parents. Il a dit ensuite, il a dit le djihad dans le sentier d'Allah. Non. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari sur le numéro 504. Quel est le dalil, ou la faïda, la leçon que l'on tire de ce hadith? C'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la prière au début de son heure. Pourquoi nous disons que c'est mustahab et non pas obligatoire? Pour plusieurs choses. Premièrement, rappelez-vous le hadith de Djibril, où Djibril est venu le premier jour au début de chaque heure et le deuxième jour à la fin de chaque heure. Donc si c'était obligatoire de prier au début de l'heure, jamais Djibril aurait enseigné au prophète le fait de prier à la fin de l'heure. Sinon il aurait commis un péché. Donc ça c'est une preuve pour dire que prier au début de l'heure, ce n'est pas obligatoire. Par contre, c'est recommandé en regard de ce hadith. Et lorsque l'on dit as-salatu ala waqtiha, la prière ala waqtiha, ça veut dire la prière au début de l'heure. Nous avons une autre version de ce hadith qui dit as-salatu fi waqtiha, la prière dans son heure. Là, on comprend ici que c'est la prière dans la plage horaire qui lui est allouée. Non. Aussi, nous avons un dalil du Coran où Allah dit tabaraka wa ta'ala fastabiqul khayrat sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Fastabiqul khayrat, concourez aux bonnes actions. Donc ici, le fait de faire la prière au début de l'heure revient à ce que tu cours après la bonne action. Tu n'attends pas de retarder cette bonne action, mais tu la fais tout de suite, dès lors qu'elle t'est permise de la faire. Namirwa, ça rentre aussi dans le verset coranique. L'auteur du livre dit sauf al-isha, s'il n'y a pas une difficulté à la retarder. L'imam al-Bukhari wa Muslim rapporte, d'après Abi Barzat al-Aslami, radiallahu anhu, qui a dit, entre parenthèses, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aimé, à retarder la Isha, que vous appelez vous Al-Atama, et il détestait dormir avant cette prière et parler après cette prière ou discuter après cette prière. Le prophète aimait retarder la prière de la Isha. Deuxième hadith d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu anhuma قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر وعفوا اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء le prophète صلى الله عليه وسلم اعتم بالعشاء ça veut dire il priait l'Isha dans le dernier tiers du temps alloué pour l'Isha c'est-à-dire que dès lors que l'Isha rentre jusqu'à Nisf al-Layl, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait dans la dernière partie de ce temps-là, qui correspond à peu près au premier tiers ou à la fin du premier tiers de la nuit. Voire, à partir du premier tiers, du premier tiers, du dernier tiers. De ce temps alloué entre l'Isha et Nisf al-Layl. Troisième hadith, le hadith de Omar ibn al-Khattab, qui est aussi rapporté dans les deux Sahih, où Omar était dans la mosquée et ils attendaient la prière de l'Isha. Et ils ont laissé leur traîner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans ses appartements. Jusqu'à ce que Omar constata dans la mosquée que les femmes et les enfants commençaient à dormir. Car l'heure se faisait ou l'heure avançait et les enfants et les femmes c'est-à-dire les gens les plus faibles étaient en train de dormir alors Omar a dit As-salata ya Rasulallah la prière ya Rasulallah le prophète a sorti sa tête de son appartement et il avait les cheveux qui étaient mouillés qui dégoulinaient des gouttes tombaient de ses cheveux et de sa barbe et le prophète de dire sallallahu alayhi wa sallam si ce n'était pas la peur de rendre difficile ceci à ma communauté, je leur aurais ordonné cette prière à cette heure-ci. Donc s'il n'y avait pas de difficulté, la prière de l'Isha aurait été plus tard. Le prophète leur a ordonné dans le dernier tiers de son temps alloué, c'est-à-dire juste avant la moitié de la nuit. Or ici, il n'a pu le faire car il a eu peur que ceci devienne difficile à sa communauté. N'amekhoa. Donc ça, c'est une preuve pour dire qu'il est conseillé de retarder l'Isha, sauf s'il y a une difficulté. Deuxième chose qu'a cité l'auteur du livre, le dhuhr. Il est conseillé de retarder le dhuhr en temps de grande chaleur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsque la chaleur s'intensifie, attendez la fraîcheur pour la prière, car la chaleur intense est une émanation de l'enfer. C'est le hadith qu'a cité ici, Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. Lorsque la chaleur est intense, alors attendez que le temps se rafraîchisse, car la chaleur intense est une émanation de l'enfer. À la suite de ça, l'auteur du livre dit. وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمُبَادَرَةُ إِلَى قَضَائِهَا مُرَتِّبًا فَإِنْ نَسِيَ التَّرْتِيبَ أَوْ جَهِلَهُ أَوْ خَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ سَقَطَ التَّرْتِيبُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَاضِرِ Il dit, celui qui a raté une prière pour X raison, il lui est obligatoire de la rattraper dans l'immédiat, tout de suite, dès qu'il s'en rappelle. Et s'il en a raté plusieurs, il doit les rattraper dans l'ordre. Si il a oublié l'ordre, ou alors il ne le connaît pas, ou il ne s'en rappelle plus, ou alors qu'il a peur qu'il rate la prière qui va suivre, dans ce cas-là, l'ordre n'est plus obligatoire. Entre celle-ci et celle qui est présente. On va essayer d'expliquer ça, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. Celui qui rate une prière, il lui est obligatoire de l'accomplir le plus rapidement, et ceci dans l'ordre. Par exemple, une personne, pour X raison, n'a pas pris la prière de Dhuhr. Puis, il rentre dans l'heure du Asr. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il prie d'abord le Asr et le Dhuhr après? Ou alors est-ce qu'il prie d'abord le Dhuhr et le Asr après? Haroun. Ensuite Asr. À la tertib, selon l'ordre des prières. Très bien. Sauf si il se rappelle ou si l'heure du Asr est proche ou la prière du Asr est proche du Maghrib et qu'il risque de rater aussi le Asr, dans ce cas-là, il prie d'abord le Asr car elle est dans son temps. Et ensuite, il fera le Dhuhr. Un cas concret. Le Asr, il est à quelle heure? Le Maghrib, il est à 18h20. N'est-ce pas? J'ai pas fait le Dhuhr. Et il est 18h15, j'ai pas fait la Asr. J'ai pas fait le Dhuhr, je l'ai raté. Et à 18h15, j'ai pas encore fait la Asr. Et à 18h20, c'est le Maghrib. Je sais pertinemment que si je prie d'abord le Dhuhr et ensuite la Asr, je vais prier la Asr en dehors de l'heure. C'est-à-dire dans le Maghrib. Dans ce cas-là, le tartib, l'ordre n'est plus obligatoire ici. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il prie le Asr. Au moins, il l'aura prié dans l'heure. On limite la casse, comme on dit. Non? Et il priera le Dhuhr après. Par contre, s'il a le temps de prier le Dhuhr et la Asr dans l'heure, autrement dit, dans notre cas, il est 18h et le Maghrib est à 18h20, il a largement le temps de prier le Dhuhr et le Asr. Donc, il les prie dans l'ordre. Et dans ce cas-là, l'ordre pour lui, il lui est obligatoire. Vous avez compris? Ce cas de figure? Non. C'est ce qu'il dit ici. Le hadith. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, man nasiya fi salatin falyusalliha idha zakaraha la kaffarata lahuma illa dhalika. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, celui qui oublie de faire une prière, qu'il l'a pris dès qu'il s'en rappelle. Donc ici, qu'est-ce qu'on constate à travers ce hadith? Que le prophète nous demande d'accomplir la prière le plus rapidement possible, ne pas attendre. Non. Il n'aura aucune expiation à faire si ce n'est l'accomplissement de cette prière. Autrement dit, quelqu'un qui n'a pas fait le fajr et qui s'est levé après le lever du soleil, qu'est-ce qui lui est demandé? De prier tout de suite. Dès qu'il se réveille, il prie. Non. Il prie. Et est-ce qu'il a une expiation à donner? Non. Sa seule expiation, c'est quoi? C'est qu'il fasse cette prière. Qu'il s'en acquitte. Non, mais quoi? L'auteur du livre dit, l'ordre tombe dans trois situations. C'est-à-dire, l'ordre n'est plus obligatoire dans trois situations. La première, s'il a oublié le tartib, il a raté plusieurs prières. Non. Donc, le fait qu'il a oublié plusieurs prières, il ne sait plus par laquelle il doit commencer. Il a oublié une prière du lundi, une prière du mardi. Il s'est emmêlé les pinceaux, comme on dit. Donc, pour celui-là, l'ordre n'est le plus obligatoire. Il essaie de se rappeler du mieux qu'il peut et il prie. Deuxièmement, il ne sait pas quelle est la première prière qu'il doit rattraper. Il doute sur le dhuhr du lundi ou mardi et il a oublié le maghrib le lundi. Il a oublié trois prières. Il a oublié le dhuhr le lundi, le maghrib le lundi et le dhuhr le mardi. Celui-là, il ne sait plus quelle est la première prière qu'il doit rattraper. Le dhuhr du lundi ou le maghrib du lundi. Il ne s'en rappelle plus. Donc celui-là, l'ordre ne lui est plus obligatoire. Non, il prie selon ce qu'il se rappelle. Et si après il se rappelle qu'il avait oublié le dhuhr aussi, alors dans ce cas-là, il le reprit après. D'accord? Peu importe l'ordre. Et enfin, et c'est le cas que je vous ai cité, l'ordre n'est pas obligatoire aussi dès lors qu'il a peur de rater la prière dans son temps en accomplissant celle qu'il a ratée. C'est clair, les frères? Comme le cas que j'ai cité avec les 18h20 du Maghreb. J'ai voulu aussi vous rappeler, pour résumer ce chapitre, comme à mon habitude, ce qu'a dit Hafid al-Hakami dans Subul al-Sawiyya, lorsqu'il reprend cette condition de l'entrée de l'or pour la prière. Il dit, et normalement ceci devrait, Inch'Allah, être clair pour vous, puisque vous avez bien compris mon cours, vous avez bien révisé, n'est-ce pas? Non. Donc je vais le lire en arabe, Inch'Allah, il n'est pas très long, et je vais l'expliquer brièvement, sans rentrer dans les explications, puisque ce sont les explications que j'ai données dans le cours en détail. Il dit, concernant Bab Mawaqitis Salah, c'est-à-dire le chapitre des horaires de prière. Dès lors que le Zawal arrive, rentre l'heure du Dhuhr, et il est de sunna, il est une sunna de retarder Al-Ibrad lorsqu'il fait très chaud. Ça, c'est le premier vers. En voyage ou en tant que résident, et ce temps-là du Dhuhr se termine dès lors que l'ombre est égale à la mesure de son objet. Le Asr, quant à lui, rentre et perdure jusqu'à ce que le soleil jaunisse. Et ceci, et sur ceci, nous avons un texte qui a été rapporté. C'est le hadith que je vous ai cité de Jarir. Et dans la nécessité, il est permis de prier jusqu'au coucher du soleil. C'est clair jusque-là? Non. Wa ukidat tabkir, mais nous devons, rappelez-vous ce que je vous ai dit la semaine dernière ou il y a deux semaines, nous devons s'empresser de faire la asar quand le temps est nuageux. Vous vous rappelez de ceci? Non, car sinon on risque d'être trompé. Justement, le fait que l'on ne voit pas le soleil jaunir, on risque de rentrer dans l'heure d'Aroura. Donc, nous devons prier, il dit, et il est certes conseillé de prier très tôt la Asar lorsque le temps est nuageux. Ensuite, dès la disparition du soleil, rentre le Maghreb et son temps perdure jusqu'à la disparition de l'Humra, Shafaq al-Ahmar, c'est-à-dire les lueurs rouges à l'horizon. Et ceci constitue à ce moment-là le début de l'heure de l'Isha, qui est un temps où l'on peut prier, comme ceci a été rapporté. Ils ont même rapporté qu'il est permis de la retarder jusqu'au premier tiers de la nuit, jusqu'à sa moitié. Et tout ceci a été établi et rapporté dans les hadiths authentiques. Il a été aussi cité qu'il est interdit de dormir avant la Isha, et de même de rester après la Isha en discutant ou en veillant. Sauf si c'est un discours ou parole qui concerne la religion. Car ceci fait partie de la sunna du véridique et de l'intègre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit lui, et ça c'est l'avis de Hafid al-Hakami, il dit qu'à partir de Nisf al-Layl jusqu'au Fajr, c'est waqtul ittirar. Il a le même avis que Cheikh Ibn Baz dessus. Il dit, à la fin de ce waqt, de ce temps de l'ittirar, rentre le Fajr, bi fajrin sadiqi, c'est-à-dire avec, comme je l'ai expliqué il y a deux semaines, la lueur blanche à l'horizon qui nous montre que le Fajr est bien rentré à ce moment-là. Et il est permis de prier le Fajr jusqu'à l'Isfar. Al-Isfar, c'est lorsque des lueurs blanches du jour commencent à se mélanger aux pénombres de la nuit. Non. C'est le temps de lire 60 versets à partir du début. Non. Et le temps du Fajr dure jusqu'au lever du soleil, c'est-à-dire l'apparition du disque solaire à l'horizon. Le meilleur des temps, selon la parole de l'homme vertueux, Al-Abar, ici il parle de Abdullah ibn Mas'ud, le hadith que j'ai rapporté, est le premier, C'est-à-dire, le meilleur des temps est au début de l'heure. Sauf la Isha, car ceci, le hadith nous a été rapporté. Ce que j'ai dit peu de temps avant. Puis ensuite, il dit quelque chose qu'a cité l'imam Abdurrahman ibn Sa'di. Il dit, celui qui arrive à rattraper une raka'at de la prière, a rattrapé sa prière. Rappelez-vous, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, من أدرك ركعة من صلاته فقد أدرك الصلاة. Donc il dit, celui qui arrive à prier une raka'at aura prié toute sa prière ou aura la récompense de sa prière. Celui qui dort sur sa prière, c'est-à-dire qu'il dort, il ne prie pas, ou alors qui a oublié de prier, alors dès qu'il s'en rappelle, le temps de sa prière est celui-là à ce moment-là. Dès lors qu'il s'en rappelle. Et enfin, il dit, et prie les prières que tu as manquées dans l'ordre et fais-les de la même manière que celles que tu pries d'habitude. De la même façon. C'est-à-dire, si c'est une prière de 4 raka'at, tu l'as pris 4 raka'at. Si c'est une prière de 3 raka'at que tu as ratée, tu pries une prière de 3 raka'at. Tu l'as pris avec le khushu', avec l'humilité, avec la concentration, en respectant ses piliers, ses obligations et tout ce que tu fais dans ta prière de manière habituelle. Voilà ce qu'il dit dans ce chapitre. Hafid al-Hakami, rahmallah tabarakata. Donc, inshallah, il n'y a pas besoin d'explication. Tout ceci, on l'a expliqué. Nous en avons fini avec la condition ici qu'il a citée, la condition de dhul waqt salah, dhul waqti. Et ensuite, il dit, وَمِنْ شُرُوتِهَا سَتْرُ الْعَوْرَةِ. Et parmi les conditions de la prière, il y a le fait de cacher sa nudité. Le fait de cacher sa nudité. La preuve de ceci, la preuve qui nous prouve qu'il est obligatoire de cacher la nudité lorsque l'on prie, et la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le verset 41 ou 31 de la sourate Al-A'raf. Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Ô enfant d'Adam, dans chaque lieu de prière, portez votre parure. Et Abdullah ibn Abbas a dit, khudu zinatakum, votre parure, vos vêtements. Zina ici, ce sont les vêtements. Al-Libas ou Al-Thiyab. Ibn Hazm a signalé le consensus, Al-Ijmar, sur le sens voulu par ce verset, à savoir qu'il concerne la Aura. Il y a un consensus chez les Mufassirines sur ce verset, à savoir qu'il renvoie à la nudité, la Aura. Il traite de ce sujet-là. Et Allah nous ordonne de prier en cachant notre nudité, qu'on va définir, Inch'Allah, au Tabarak wa Ta'ala, dans quelques instants. Aussi, ce verset fut révélé en réponse à ceux qui faisaient, à l'époque de la Jahiliya, le tawaf autour de la Kaaba, nu. C'est une pratique des Arabes, des polythéistes. Non. Ils tournaient autour de la Kaaba, nu. Pour la plupart d'entre eux. Non. Donc ce verset aussi est venu réfuter sur cette pratique d'un autre temps. Non. L'imam Sa'di a dit, cachez votre nudité à chaque prière obligatoire ou surérogatoire, car cacher sa nudité est une forme de parure, au même titre que la dévoiler contribuera à rendre le corps ignoble et affreux. On peut aussi comprendre de la parure ce qui est au-dessus des vêtements comme des vêtements propres et beaux. C'est-à-dire des parures au-dessus d'un vêtement, on remet un autre vêtement. Non. Pour l'embellissement, les zinati ou at-tajmil. Il y a donc dans ce verset l'ordre de cacher la nudité pendant la prière en utilisant les moyens pour l'embellissement et en nettoyant l'endroit où l'on prie des souillures et des saletés. Fin de citation. Ça, c'est la parole d'Abdurrahman ibn Sa'di dans son tafsir. Non. Une autre preuve, c'est la parole ou le hadith de Aïcha, hadith authentique qu'a authentifié Cheikh Al-Albani. Où elle a dit, où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimar. Donc Allah n'accepte pas la prière. Allah n'accepte pas la prière d'une femme pubère. Ici, ha'id, il a le sens de pubère, femme pubère. Allah n'accepte pas la prière d'une femme pubère sans khimar. El khimar, c'est une espèce de voile qu'on met sur la tête pour cacher les cheveux. Non, c'est ça le khimar. Autrement dit, la femme aussi est soumise à toutes ces conditions. Lorsqu'elle prie, elle doit cacher sa nudité que l'on va définir, inshallah, tabarak wa ta'ala. Il y a d'autres hadiths qui vont dans ce sens-là, comme le hadith de Jabir qui rapporte cette anecdote. Lorsqu'il sortit pour un besoin, et il rencontra le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de prier. Et Jabir ne portait qu'un seul vêtement. Il avait un grand vêtement ample. Il faut savoir que les sahaba, ce n'est pas des gens qui étaient riches. Donc la plupart d'entre eux n'avaient qu'un seul vêtement sur eux. Alors il a décidé de prier avec le prophète, et qu'est-ce qu'il a fait? Il taffa bihad al-thawb, c'est-à-dire il s'est enroulé dans ce vêtement, il a prié comme ça. Après qu'ils aient fini la prière, le prophète a dit: qu'est-ce qui t'amène ici? Pourquoi es-tu sorti? Il a dit: je suis sorti pour une affaire. Puis je t'ai vu prier, j'ai prié avec toi. Il a dit: wa ma hadha al-ishtimal. L'ishtimal, c'est ça, c'est cette manière de s'habiller en mettant ce vêtement comme ça, en s'enroulant dedans. On appelle ça en arabe l'ishtimal. Le prophète a dit: pourquoi tu t'es habillé de la sorte? Et il a dit, justement, il a dit: mon vêtement, je porte un izar seulement. C'est un seul vêtement et il est étroit. Alors le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si ton vêtement est large, porte-le comme ça. Et si ton vêtement est serré, mets-le en forme de izar. Le izar, c'est un vêtement que l'on porte du nombril en dessous du genou à peu près, hein, et qui vient cacher les parties intimes. Donc on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Jabir, il lui a dit que si ton vêtement il est trop étroit ou trop petit, alors il faut que tu caches ce qui est obligatoire pour toi de cacher, c'est-à-dire les parties intimes, du nombril jusqu'au genou. Mais si ton vêtement est ample, alors dans ce cas-là, enroule-toi dedans, sans sou, mets-le sur tes épaules et cache le reste de ta nudité. Non, mais quoi? On comprend à travers ce hadith que Jabir, lorsqu'il a mis son vêtement comme ça autour de lui, une partie de ses cuisses se sont découvertes. Et le prophète a réprouvé ceci. Non, mais quoi? Jayd. Ibn Abdelbar, rahmallah, tabaraka wa ta'ala, a dit: les savants sont unanimes sur l'invalidité de la prière accomplie nue, alors qu'il a la capacité de cacher celle-ci. Quelqu'un qui prie nu, ça ne veut pas dire complètement nu, mais par exemple, qui ne respecte pas la nudité qui doit être cachée, dans le sens où il prie en découvrant sa nudité ou une partie de sa nudité, dans ce cas-là, les savants sont unanimes pour dire que sa prière est invalide s'il avait la capacité de couvrir cette nuit. Dans le roi. Maintenant, l'auteur du livre dit, à la suite de ceci, وَمِنْ شُرُوتِهَا سَتُرُ الْعَوْرَةِ بِثَوْبٍ مُبَاحٍ لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ. Parmi les conditions de la prière, le fait de cacher la nudité par un vêtement licite qui ne vient pas épouser et dévoiler la peau, épouser la forme du corps et dévoiler la peau. Je vais y revenir, inshallah, tabarak wa ta'ala. Il dit: wal awratu thalathatu anwa, mughalladatun wa hiya awratu al-mar'ati al-hurati al-baligha, fa jami'u badaniha awratun fi as-salati illa wajhaha, wa mukhaffafatun wa hiya awratu ibn sab'i sinin ila 'ashrin fa innaha al-farjani, ومتوسطة وهي عورة من عداه من الصغرة إلى الركبة. Il dit: la nudité est de trois sortes. Une qui est majeure, une qui est mineure ou légère, et une qui est médiane, intermédiaire. Il dit: celle qui est majeure, c'est la nudité de la femme libre et pubère. Quand on dit femme libre, ça veut dire qu'il n'est pas esclave. Pubère, bien sûr, qui a atteint l'âge de la puberté et plus. Il dit, l'ensemble de son corps est une nudité dans la prière, sauf son visage. C'est comme s'il venait nous dire que la femme doit prier en couvrant tout son corps, ses mains et ses pieds compris, et en ne laissant que son visage. Je vais revenir à tout ça, Inch'Allah. Al-Mukhaffafa, celle qui est légère, c'est la nudité de l'enfant, du garçon, entre 7 ans et 10 ans. Et sa nudité à lui, ce sont ses parties intimes. Seulement. Alors que la femme pubère libre, c'est tout son corps sauf le visage, pour celui-là, c'est seulement les parties intimes. Et enfin, celle qui est médiane, c'est la nudité de toutes les autres catégories de personnes. L'homme pubère, la fille qui n'est pas pubère, l'homme ou la femme esclave, pubère ou non. Hein? Et c'est leur nudité est du nombril jusqu'au genou. Voilà ce que dit Cheikh Abdul Rahman ibn Sa'di rahmallah tabarak wa ta'ala. Nous allons revenir sur la nudité de la femme pubère libre. Al-mar'atul hubratul bariha. Sa nudité, elle, est mughalladha, c'est-à-dire majeure, dans le sens où elle doit prendre plus de précautions à cacher son corps. Elle a beaucoup plus de contraintes dans ce sujet-là que les autres catégories. L'ensemble de son corps constitue une nudité, sauf ses mains, son visage et ses pieds. Ça, c'est l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah voit que la femme peut prier, visage découvert, les mains découvertes et les pieds aussi. Si elle est chez elle, elle ne craint pas la fitna. C'est aussi l'avis de Cheikh Al-Taymiyyah qui dit textuellement « فَإِنَّنِي أُقَلِّدُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ » Il dit « J'ai pris l'avis de Cheikh Al-Islam, أُقَلِّدُهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ » C'est-à-dire je prends son avis, je limite dans ceci. D'autres savants, pour la plupart, considèrent que il n'y a que le visage et les mains qui doivent être à découvert, les pieds doivent être cachés. Non, c'est l'avis le plus authentique. Les pieds doivent être cachés. Et nous avons pour ceci un hadith. Hadith de Umm Salama. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. Elle a dit, la femme doit-elle prier dans un dir'? Un dir', c'est un vêtement que l'on met, c'est un vêtement que l'on met sur les épaules et qui descend jusqu'en bas. Non, en général, qu'on met au-dessus d'un autre vêtement. Ou un khimar. Un khimar, j'expliquais, c'est une espèce de tarf. Quelque chose qu'on met sur la tête pour cacher les cheveux. Alors, elle a dit, la femme peut prier dans ce dir' et avec ce khimar sans qu'elle ait un izar en plus. Et le prophète a dit, si ce vêtement long est large, il couvre le dessus des pieds, alors oui. Non, c'est un hadith authentique. Il y a d'autres hadiths qui vont dans ce sens, qui nous prouvent que la femme doit cacher ses pieds lorsqu'elle prie. Non. La deuxième, al-mukhaffafa, c'est la nudité du garçon de 7 ans à 10 ans. Pourquoi on parle de 7 ans à 10 ans? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux parents d'éduquer leurs enfants et de les ordonner à prier à partir de 7 ans. Muru awladakum abnakum ila as-salat. Muru awladakum bis-salati wa hum sab'u sinin. Wa hum abna'u sab'i sinin. Wa adribuhum 'alayha. Et frappez-les à 10 ans. S'ils refusent de la faire, frappez-les, c'est-à-dire. C'est un darb ou ta'dib. Frappez-les, c'est pas leur faire mal. Frappez-les dans le sens éduquez-les. Il y a quelque chose de très important ici, barakallahu fikoum, ikhwan. Ici, lorsque les savants parlent de ce type de nudité, on parle de la nudité dans la prière. On ne parle pas de la nudité dans le regard dehors. C'est deux choses différentes. Non. Par exemple, il y a divergence chez les savants sur le fait de cacher le visage de la femme dehors pour le regard. La illa, la cause de cette loi religieuse, c'est la peur de la fitna, c'est-à-dire des tentations. Car vous n'êtes pas sans savoir que la chose qui tente le plus les hommes chez une femme, c'est son visage. Donc, lorsqu'on a peur de la fitna, on cache cette fitna afin de pallier à tous ces problèmes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle auratun nazar, la nudité vis-à-vis du regard dans la vie de tous les jours. Il y a aussi la nudité dans la prière. Mais on a dit dans la prière que le visage doit être découvert. Que ça soit ce type de nudité pour la femme, ou celle qui est intermédiaire, ou celle qui est légère, il va falloir prendre en considération une chose très importante. C'est que si la personne, dans la prière, est contrainte de cacher une partie de son corps, mais que il peut laisser à découvert une autre partie, si cette partie à découvert attise la fitna ou occasionne ou contribue à la fitna, alors dans ce cas-là, il lui est obligatoire de couvrir ces parties. Cheikh Al-Thaymin et d'autres savants disent, par exemple, un garçon de 7 ans à 10 ans qui est pour lui concerné par la nudité qui est légère, il doit cacher que ses parties intimes. Concrètement, il peut prier les cuisses découvertes. Après, elles restent valides. Mais si on a des gens autour qui regardent, il y a des gens malades comme ça qui regardent les petits garçons et ils voient cette nudité-là, ça peut le pousser à faire des choses. Dans ce cas-là, cet enfant-là ne doit pas prier comme ça. Il lui est obligatoire à ce moment-là de cacher même des choses qui, à la base, ne lui étaient pas obligatoires de cacher. Vous avez compris? Pourquoi je vous parle de ça? Car lorsqu'on va parler de la troisième catégorie, et qui est concernée par cette troisième catégorie, c'est-à-dire la nudité intermédiaire, c'est l'homme de plus de 10 ans, la fille qui est non pubère, la femme esclave, et l'homme esclave aussi. S'il y a une fitna qui peut être occasionnée lorsque cette personne prie avec le minimum qui lui est demandé, alors dans ce cas-là, on dira à cette personne qu'elle se couvre. Pour repousser cette fitna et cette tentation. Par exemple, la femme esclave. Une femme esclave qui prie en mettant juste un izar sur elle, c'est-à-dire du nombril au genou. Sa prière, elle est valide. Elle est valide. Voilà, Akin. Si elle prie comme ça, devant quelqu'un dont on craint la fitna, est-ce qu'il lui est permis de prier comme ça? Non, elle se couvre. Non, mais quoi? Elle se couvre. Elle se couvre. Elle met quelque chose sur ses épaules. Il en est de même pour la petite fille. Il en est de même pour l'homme aussi. Non. Surtout, on ne sait pas qu'on vit dans un monde de malades. Non. Donc, tout le monde se laisse aller à ses passions. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. On donne ces quatre figures, mais il y a d'autres considérations à prendre. Pourquoi je vous en parle? Qu'elles ne sont pas évoquées dans le livre. Cheikh Saadia, rahmallah, a juste cité le minimum qui est demandé, mais n'a pas pris ou n'a pas cité ces considérations-là. Al-Nadar. Celui qui regarde. Donc il faut faire attention à ceci, barakallahu fikoum. Donc, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, aussi, la yusalliyanna ahadukum, في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. Que l'un d'entre vous ne prie surtout pas avec un seul vêtement en n'ayant rien sur ses épaules. C'est-à-dire torse nu, il prie torse nu. On corrèle ce hadith-là avec le hadith de Jabir que je vous ai cité juste avant. La personne qui a la possibilité de prier avec, en cachant sa nudité du nombril au genou et à mettre quelque chose sur ses épaules, il le fait. Celui qui ne peut pas, alors dans ce cas-là, il prie avec son izar. Il ne laisse rien sur ses épaules, sa prière reste valide. T'as une croix ? Non. Ça, c'était les trois catégories de nudité. Celle de la femme est beaucoup plus contraignante. La femme pubère libre. Ensuite, il y a celle de l'homme pubère, de la petite fille, de la femme esclave, pubère ou non. Et de l'homme, bien sûr, esclave. Et enfin, celle qui est la plus légère, c'est le petit garçon, entre 7 et 10 ans. D'accord ? S'il prie en short, par exemple, sa prière, elle est acceptée, Inch'Allah. N'est-ce pas, Hamza ? Mais c'est mieux qu'ils prient, Inch'Allah, ça c'est le rôle des parents, qu'ils apprennent à prier dès leur plus jeune âge avec un qamis, avec un vêtement convenable, Inch'Allah, afin qu'ils prennent cette habitude quand ils sont grands, Inch'Allah. Regardez ce qu'a dit Cheikh Saadi, il dit, بِثَوْبٍ مُبَاحٍ لَا يَصِفُّ الْبَشَرَ. Il dit, il doit prier avec un vêtement licite. Pour que la prière soit valide, il doit cacher sa nudité avec un vêtement maza mubah, licite. Autrement dit, qu'est-ce qu'on comprend ? Que si ce vêtement il est haram, la condition n'est pas respectée et la prière n'est pas valide. D'accord. Qu'est-ce que signifie la yasiful bashara ? Il ne décrit pas la peau, littéralement c'est ça, il ne décrit pas la peau. C'est-à-dire il ne montre pas la couleur de la peau. Et il ne montre pas les formes du corps. Autrement dit, si j'ai un vêtement transparent qui me colle à la peau, ceci n'est pas, ne vient pas cacher la nudité. Donc je ne peux pas prier avec. Il faut que ce vêtement cache la couleur de la peau, comme celui-là, comme ce kamis que j'ai. On ne voit pas ma peau à travers. Ou alors, ou ça, et deuxième chose, il ne vient pas épouser les formes de mon corps. Trop serré. Hein? Car un vêtement qui est opaque mais qui épouse les formes du corps vient mettre en valeur la nudité de la personne. Donc il faut respecter ces deux conditions. Donc parmi les conditions du vêtement, premièrement c'est qu'il cache les détails, les formes du corps et la couleur de la peau. Deuxièmement, qu'il soit pur de toute souillure. Il ne faut pas qu'il y ait une souillure dessus, de l'urine ou autre. D'accord, nous avons déjà vu ceci. Car celui qui prie avec une souillure sur lui, sa prière n'est pas acceptée. Non. Troisièmement, qu'il soit licite. Non. Qu'il soit licite, un vêtement, il peut être illicite sous plusieurs aspects. Soit il est illicite dans la manière dont on l'a acquis, soit il est illicite intrinsèquement, soit il est illicite dans sa description, soit il est illicite par rapport à un prix, par rapport à un prix ou par rapport à un achat que l'on a fait avec de l'argent haram. Je vous donne un exemple pour chaque chose, Inch'Allah. Al-muharramu li kasbihi, quelque chose qui est haram par acquisition. Par exemple, j'ai volé un vêtement ou je l'ai spolié et j'ai pris avec. Ce vêtement-là, il est haram pas intrinsèquement. Mais il est haram dans la manière comment, dans la manière dont je l'ai acquis, dont je l'ai obtenu. Deux, le vêtement qui est interdit intrinsèquement, comme par exemple la soie pour les hommes. Le port de la soie pour les hommes est interdit, n'est-ce pas ? Non. Ou alors le vêtement orné de représentations interdites. Par exemple, un vêtement avec des croix dessus. Ou alors avec des images d'êtres humains, d'êtres vivants. C'est interdit. Il y a aussi al-muharramu li wasfihi, quelque chose qui est haram, un vêtement qui est haram dans sa description. Par exemple, un vêtement qui est trop long, qui descend en dessous des chevilles. Al-isbal. Ou alors, un vêtement que l'on a acheté avec de l'argent haram. Par exemple, j'ai volé 10 euros et je vais voir le commerçant et je dis, avec ces 10 euros, donne-moi un khamis. Non, avec ces 10 euros, donne-moi un khamis. Beaucoup de savants considèrent que tout vêtement haram dans lequel on prie rend la prière invalide. Beaucoup de savants. Mais de nombreux savants aussi de l'autre côté considèrent qu'il n'y a pas un rapport direct entre les deux. C'est-à-dire que le vêtement, s'il est haram, ceci ne vient pas influencer la validité de la prière. Car il faut bien comprendre une chose ici, barakallahu fikoum, essayez de me suivre. On finira le cours par ceci, inshallah, tabarak wa ta'ala. Lorsque nous avons parlé de ces types de vêtements qui sont haram, avec ces quatre catégories, est-ce que ceci est restrictif à la prière? Non, ce n'est pas restrictif à la prière. Ils sont haram dans toute situation, en toute circonstance. Ce n'est pas quelque chose qui est directement lié à la prière. Si tel est le cas, alors nous ne pouvons pas corréler les deux choses. Barakallahu fikoum. Et conditionner la validité de la prière avec ce vêtement haram dans lequel on prie. Par contre, si on avait un texte où Allah, par exemple, nous aurait dit, ou le prophète nous aurait dit, ne priez pas dans ce vêtement. Là, ce vêtement-là, il aurait été haram pour la prière. Dans ce cas-là, on aurait pu corréler les deux et dire, eh ben, dans ce cas-là, celui qui prie dans ce vêtement, sa prière n'est pas acceptée. Or, nous n'avons pas de texte dessus. Nous n'avons pas un texte dans ce genre, sauf un seul hadith qui est faible. Où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prie musbilan, c'est-à-dire en laissant traîner son vêtement, où le prophète a dit, ne priez pas en laissant traîner votre vêtement. Si ce hadith était authentique, on aurait pu dire que celui qui prie en laissant traîner son vêtement sous les chevilles, sa prière n'est pas acceptée. Mais ce hadith-là, il est faible. وضعفه شيخنا الألباني entre autres في ضعيف سنن أبي داود. Donc on n'a aucun texte qui nous interdit de porter des vêtements pour la prière exclusivement, mais l'interdiction de porter ces vêtements, elle est générale dans toute situation. Donc la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, puisque el jihad munfakka, c'est-à-dire les deux choses sont bien distinctes, alors on ne peut pas corréler les deux choses. Autrement dit, elle colle au rajir dans ce mas'ala, c'est que toute personne qui prie dans un vêtement interdit, sa prière reste valide, mais il commet un péché. Vous avez compris? Sa prière reste valide, mais il commet un péché. Il commet un péché car il a pris dans un vêtement qu'il n'avait pas le droit d'utiliser. Mais sa prière est valide s'il respecte les autres conditions de la prière. Que je me suis bien fait comprendre, Inch'Allah. Pour finir, je vais vous lire les deux, trois vers qu'a cité Hafid al-Hakami concernant ce sujet d'aujourd'hui. Il dit في باب شروط الصلاة وشرط تكليف وبالوجوب ذا خص وللصحة إسلام كذا طهارة من حدث أو نجس في بدن أو بقعة أو ملبس والستر للعورة وهي للذكر من صغرة لركبة نص أثر وأمة كذاك أما الحفرة فما عدا وجها وكفا عورة. Il dit وَالشَّرْطُ تَقْلِيفٌ وَبِالْوُجُوبِ ذَا. Il dit, la condition premièrement de la prière, c'est que la personne soit mukallaf. Mukallaf, c'est-à-dire qu'il soit عَاقِلٌ بَالِغ. Il est doué de raison et il est pubère. Voilà celui qui est responsable devant Allah tabaraka wa ta'ala de ses actes. Il est pubère et il a toute sa raison. Donc il dit, la première des conditions de la prière, c'est que la personne elle soit responsable devant Allah. Non, mukallaf. Il dit aussi, pour que la prière soit valide, il faut l'islam de la personne, c'est-à-dire qu'il soit musulman. Ensuite il dit, il cite les unes après les autres les conditions de la prière. Il dit taharatun, la pureté. La pureté, de l'impureté rituelle, de l'état d'impureté rituelle majeure, ou mineure plutôt, et de la souillure. On a expliqué tout ceci dans le cours précédent. Donc il faut qu'il soit à la taharatin kamila. Que cette souillure soit purifiée de son corps, de l'endroit où il prie ou de ses vêtements. Puis il dit, cacher la nudité. Et cacher la nudité pour l'homme, c'est du nombril jusqu'au genou, comme ceci a été rapporté dans les traditions et textes. Quant à la femme esclave, wa amatun, il en est de même, kadalik. La femme esclave, pareil que l'homme. Amma al-hurra, quant à la femme libre, pubère, fama ada wajhan wa kaffan awra. Tout ce qu'il y a en dehors du visage et des mains est une nudité. N'est-ce pas? Ce qu'on avait dit. Il s'arrête là, Inch'Allah, après il passe au chapitre que l'on verra la semaine prochaine, c'est-à-dire le fait de s'orienter vers la Qibla. Salat tabarak wa ta'ala. أن يهدينا ويهدي بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم.